Du bon langage. Radio Campus Lille, il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Eh bien, c'est effectivement le troisième samedi du mois, le 19 août, au milieu des congés pour pas mal, mais vous écoutez Angle d'attaque sur les 106,6 MHz de Radio Campus. Le 19 août, il est midi, vous apprêtez à écouter Radio Campus. Angle d'attaque est une émission d'Attaque Métropole, Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Aujourd'hui, nous devrions être quatre, et nous sommes trois. Il faut saluer ici la SNCF, qui a supprimé un Ouigo de ce week-end, devenu No-Go du coup, et nous prive de Ludovic, qui est pourtant celui qui avait préparé l'émission. Et donc, ça ne fait rien, on va compter sur René et Christian pour faire cette émission. Donc, la loi du marché défaillant, ça existe, il faudrait le dire et le répéter à la SNCF. Louis nous soutient de Paris en écoutant l'émission sur campuslille.com, vous pouvez le faire également. Nous sommes trois donc, nous sommes avec Florent, maître du temps. Bonjour. Et René, bien sûr, avec sa science, et Christian avec son stress du début d'émission. Voilà. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Eh bien, qu'avait prévu Ludovic, en fait? Eh bien, l'histoire de l'écologie. C'est quand même pas rien. L'écologie est quelque chose qui est au cœur de notre société aujourd'hui. Et Ludovic a eu l'idée de se poser la question de savoir d'où vient-elle, cette écologie? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? On est tous prou, effectivement, écolo aujourd'hui. Donc, d'où vient cet intérêt, l'intérêt pour cette émission? On va proposer trois parties pour faire cette émission. Une partie qui sera, bien sûr, l'histoire, puisqu'on est parti là-dessus, sur l'idée de la pensée humaine orientée vers l'écologie ou la protection de la nature. On passera un peu de temps sur l'économie politique, sous des aspects également philosophiques et religieux, parce qu'elle n'est pas du tout étrangère, la religion, aux questions écologiques, et c'est peu dire. Et enfin, on essaiera de parler un peu d'économie écologique. Voilà, voilà le programme d'aujourd'hui. Je vous propose de commencer tout de suite par René la science, qui va commencer par le début, c'est-à-dire nous donner une définition de l'écologie. À toi, René. Voilà, eh bien, disons que le terme écologie vient du grec oikos, qui veut dire maison, habitat, et de logos, science, connaissance. En somme, c'est la science de l'habitat. En fait, c'est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et leurs interactions entre eux. Le terme fut inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel. Dont on reparlera. Hein. Dont d'ailleurs nous allons reparler. Il cite ce terme dans son ouvrage « Morphologie générale des organismes ». En France, le terme aurait semble-t-il été utilisé pour la première fois en 1874. On peut examiner dans un premier temps l'écologie entre guillemets scientifique ou l'écologie en tant que science. Si l'écologie en tant que science est récente, la pensée écologique, elle, est présente depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité. Oui, alors est-ce qu'on peut vraiment parler de pensée économique et écologique, hein? Il s'agit plutôt de sciences de réflexion sur la nature, de protection de la nature. Hein? Oui, quoique déjà. Par exemple, Aristote et surtout un de ses élèves, Théophraste, donc nous sommes dans l'Antiquité là, Théophraste donc peut être vu comme un des premiers écologistes par son intérêt porté aux nombreuses espèces animales et ses travaux sur les relations entre les animaux et leur milieu. Donc c'est déjà de l'écologie. En fait. Et on est respectivement au 4e Aristote et 3e siècle avant notre ère. Hein. Oui. Ensuite, les grandes découvertes au 16e siècle, les explorations... Les grandes découvertes au XVIe siècle et les explorations qui en découlèrent ont favorisé l'essor des sciences de la nature et amené une nouvelle représentation du monde à l'origine des premières idées écologiques. Alors, parmi les naturalistes qui ont accompagné les grandes découvertes, on peut citer Pierre Bellon, notamment dans ses voyages au Proche-Orient de 1546 à 1549, d'où il rapporte de nombreuses observations sur l'histoire naturelle et les mœurs des habitants, ainsi que des descriptions sur la faune et la flore. Et André Thévé, au Brésil, de 1555 à 1556, qui rapporte des planches et des dessins représentant la faune et la flore tropicale, ainsi que sur les végétaux cultivés par les indigènes. Alors justement, une question des indigènes se posera aussi à un moment. Sont-ils des êtres humains, hein? Voilà, ah oui. La question de Bartolomé de Las Casas, qui avait posé cette question avec la controverse de Valladolid aussi. Oui. Donc, sont-ils des êtres humains? Je ne sais plus qui disait. Ils ne sont pas tout à fait des singes, mais ils ne sont pas tout à fait des hommes non plus. Voilà. Donc, on est parti sur de bonnes bases. Alors, les premières mesures écologiques, René, on passe tout de suite au XVIIe siècle. Oui. Simplement, pour revenir un peu sur le XVIe, là, c'est surtout, en fait, une science d'inventaire, c'est-à-dire de catalogue. On découvre des nouvelles espèces et on les dessine et on les décrit, etc. Ensuite, les premières mesures écologiques. Donc, ça commence au milieu du XVIIe siècle, plutôt. On prend conscience des conséquences de l'exploitation incontrôlée des territoires colonisés, comme par exemple l'île Maurice, l'Inde, les Antilles, Sainte-Hélène, etc. Les conséquences, donc, c'est la déforestation, déjà, que l'on soupçonne à l'époque, déjà, d'amener des changements climatiques, et l'extermination des espèces animales. Alors, au XVIIIe siècle, à l'île Maurice, à partir de 1769, sous l'impulsion de Philibert Commerson, le botaniste officiel de l'île, et de Pierre Poivre, le gouverneur, une législation de protection des ressources naturelles est progressivement mise en place. Et elle inspirera les Anglais pour l'adoption de mesures similaires dans leurs propres colonies. Donc déjà... Une législation. Voilà, une législation de protection de l'environnement, déjà. Au 19e siècle, donc on peut citer déjà Alexander von Humboldt, qui est le précurseur de l'exploration véritablement scientifique. Il est le premier à étudier les relations entre l'environnement et les organismes, notamment la répartition des espèces végétales en fonction du climat et de la géologie. Les botanistes Aimé Bonplan, Eugène Warming et Andreas Schimper sont considérés comme les fondateurs de l'écologie végétale en tant que discipline scientifique, en étudiant la manière dont l'environnement agit sur la végétation et les formations végétales. Voilà, donc on est passé à un autre stade de ce que tu disais, c'est les répertoires, les catalogues de plantes, et maintenant on analyse la plante dans son milieu. Voilà, de manière plus scientifique et plus systématique. De manière plus scientifique et systématique, en effet. Et on a toujours quand même une dominante végétalienne, si je peux dire comme ça, végétale. Jusque-là, oui. Réflexion végétale. Oui, toutefois, bon, il y aura quand même... J'y arrive d'ailleurs. Charles Darwin et Alfred Wallace, là c'est le concept de biocénose. Donc vers 1850, la théorie sur l'origine des espèces de Charles Darwin, que tout le monde connaît je pense, et l'étude de la répartition géographique des espèces animales, donc faite par Alfred Wallace, donc là on arrive au monde animal, amène une révolution. On passe des représentations statiques des espèces à des représentations évolutives. Donc l'introduction de la notion d'évolution dans le temps. L'idée s'impose que les espèces ne sont pas indépendantes les unes des autres et leur regroupement s'organise en communauté d'êtres vivants qu'on appelle biocénose. Alors, un mot sur la biocénose peut-être ? La communauté, l'ensemble des êtres vivants qui interagissent entre eux. D'accord. Voilà. Entendu. Qui vivent dans un espace donné avec relations. Oui, dans un secteur, un espace, une région donnée, oui. Ensuite, c'est le concept, toujours au 19e siècle, bien sûr, c'est le concept de biosphère. Donc, toujours au cours du 19e siècle, la nouvelle discipline, l'écologie, s'enrichit des découvertes scientifiques avec les notions de cycle de l'eau, de l'azote, du carbone, qu'on appelle aussi cycle biogéochimique. Il est également démontré que la vie ne se développe que dans des limites très précises au sein de l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. L'atmosphère, c'est l'air, l'hydrosphère, c'est la zone de l'eau, et la lithosphère, c'est roches et minéraux. C'est ça, tout ça, c'est la couverture de à peu près 20 km autour de la planète. Mais la vie se limite dans une zone plus étroite quand même. C'est en profondeur, je ne sais pas, c'est peut-être quelques... Je parlais de l'atmosphère, c'est 20 km. Ah oui, d'accord. En dessous, c'est 20 km, voilà. Oui. Eau comprise. Ah oui, d'accord. Voilà. En 1875, le géologue autrichien Eduard Suess propose le terme de biosphère pour désigner cette enveloppe de vie caractéristique de la Terre qui englobe faune, flore, minéraux, cycle de la matière, etc. Voilà. Enfin, le concept de succession écologique de Henry Chandler Cowles. Donc ça, c'est vers la fin du 19e siècle. Donc Henry Chandler Cowles met en évidence le lien de succession écologique entre la végétation et le sol. Alors précisons, une succession écologique est un processus par lequel une communauté naturelle évolue d'un simple niveau d'organisation vers une communauté plus complexe. Par exemple, du sable nu à l'herbe poussant dans le sable. Alors l'herbe en séchant, enfin en se décomposant, émet des résidus qui permettent à des végétaux plus complexes de s'installer et progressivement à des arbres, des arbustes, des arbres, etc. D'accord. Voilà. Et nous arrivons au XXe siècle. Alors XXe siècle, c'est la notion d'écosystème portée par Vladimir Verdnaski et Arthur-Georges Tansley. Donc dans les années 20, le géologue russe Vladimir Verdnaski précise la notion de biosphère en décrivant les principes fondamentaux des grands cycles biogéochimiques et requalifie la biosphère comme ensemble des écosystèmes. En 1935, l'écologiste britannique Arthur George Tansley définit comme écosystème l'interaction qui s'établit entre l'ensemble des êtres vivants, c'est-à-dire la biocénose, et leur milieu de vie qu'on appelle le biotope. D'accord. L'écologie devient alors la science des écosystèmes. Et aussi, notion de chaîne alimentaire, pyramide alimentaire et réseau trophique, ça c'est donc Elton, le père de l'écologie animale, qui décrit dans son livre « Animal écologie » paru en 1927, l'organisation des communautés d'espèces en fonction des relations et interactions alimentaires. Eh ben, voilà. Donc, on est toujours dans le XXe siècle, donc. Oui, alors toujours dans le XXe siècle, mais ici avec les théories plus récentes et aussi l'influence qu'elles ont eue et les nouvelles disciplines qu'elles ont générées dans les sciences humaines et sociales. Alors, tout d'abord, la théorie de l'information appliquée à l'écologie. Ah, ça, c'est dû aux travaux du biologiste marin Ramon Margalef y López, ça, 1957. Le concept de guilde en écologie, suite aux études de Richard Root, 1967. Alors, guilde, ça veut dire ? Alors, une guilde ou guilde écologique, c'est un ensemble d'espèces appartenant à un même groupe taxonomique ou fonctionnel. Taxonomique, c'est lié à la génétique, aux gènes, oui. Qui exploite une ressource commune de la même manière, en même temps, donc partageant la même niche écologique. Justement, arrive aussi le concept de niche et d'espèce écologique. Le concept de niche écologique est introduit en 1957 par Hutchinson. Et à partir de là, Leigh Van Vallen développe celui d'espèce écologique. Ensuite, le concept de biodiversité, donc un terme maintenant devenu courant, qui est inventé par le biologiste Walter Rosen en 1985 et popularisé par Edward Wilson en 1988. Ouais, je m'étonnais que ce soit si récent ce mot biodiversité, hein, quand même. Oui, oui. Enfin, en complément, si on peut dire, le concept de point chaud de biodiversité, qui lui est justement est initié en 1988, par le chercheur britannique Norman Meyers, spécialisé entre les rapports entre écologie et économie. Alors, un point chaud de biodiversité, qu'on appelle aussi zone critique de biodiversité, est une zone biogéographique, terrestre ou marine, possédant une grande richesse de biodiversité, mais particulièrement menacée par l'activité humaine. Okay, effectivement, c'est important et il y a de plus en plus de zones à protéger de ce type-là. Oui, plus en suite à aux menaces qu'elles subissent, qu'on essaye de protéger de plus en plus. Oui. Qui parle de la ZAD, là, par exemple, personne. Mais vas-y, on continue. Non, là, c'est pas encore. Mais il est vrai que, par exemple, quand on a constaté bon nombre de zones de surpêche. Ce sont devenues des zones protégées et Dieu merci, les espèces qui tendaient à disparaître reviennent rapidement. J'avais lu ça quelque part. Oui, il y a une protection qui est de cette nature, c'est-à-dire strictement économique et de survie pour les pêcheurs aussi. Et on avait vu ça avec Benjamin Coria, si tu t'en souviens. Oui. Lorsqu'il s'agissait du retour des communs, le bouquin, l'émission qu'il nous a fait la saison dernière. C'est l'intérêt justement peut-être d'une autre vision de l'économie qui permettrait de... Mais ça, on va y venir. On va y venir. Bon, là, nous avons fait un peu le tour des théories plutôt naturalistes, on va dire, rattachées aux sciences naturelles. Mais l'écologie a débordé aussi sur d'autres disciplines, notamment les sciences humaines, comme je le disais. Et est apparue une écologie humaine. C'est dans les années 20, par le biais de l'étude des successions végétales dont j'ai parlé, à Chicago. Elle est devenue un champ d'études distinct dans les années 70. Voilà. Et l'écologie politique, qui est apparue également dans les années 20, et elle consiste à appliquer la science écologique à la politique et à la gestion de la cité. Ensuite, ce que j'ai appelé vision globale, c'est sans commentaire. Alors déjà, on peut citer Pierre Dansereau, qui est un écologiste et professeur québécois, qui est d'ailleurs considéré comme l'un des pionniers de l'interdisciplinarité en écologie. Il publie en 1957 un ouvrage majeur, Biogéographie and Ecological Perspective. Pour un Québécois, bon, il publie en anglais, c'est d'ailleurs. Oui, dans lequel il énonce les principes d'une écologie globale tenant compte de l'humain comme facteur de transformation de l'environnement. Et surtout, peut-être, Jam Lovelock et l'hypothèse Gaïa. Dans les années 70, le penseur scientifique britannique James Lovelock et la biologiste américaine Lynn Margulis avance l'hypothèse que la Terre devrait être considérée comme un macroéconomisme individuel, autrement dit, un gigantesque être vivant. L'ensemble des êtres vivants ont conjointement développé la capacité de contrôler l'environnement global en influençant les paramètres physiques majeurs comme la composition de l'atmosphère, le taux d'évaporation, la chimie des sols et des océans, afin de maintenir les conditions favorables à la vie, réalisant ainsi une autorégulation planétaire. Alors, bien que cette hypothèse soit controversée, l'hypothèse Gaïa a suscité un certain intérêt dans le public. Il faut préciser peut-être pour nos auditeurs qui ne seraient pas hellénistes que Gaïa signifie la Terre. La Terre en grec, en grec ancien. Ah, en grec ancien en plus. C'est trop savant pour moi. Bon. Oui, on l'appelait aussi Gé, quoi, dans la mythologie grecque. Gé ou Gaïa, c'est... Je te laisse. Voilà. Cette hypothèse a suscité un certain intérêt dans le public, que je disais. Elle permet d'étayer le sentiment écologique grandissant en contribuant à faire prendre conscience que la Terre-mère Gaïa est malade des hommes et de leur activité. D'un point de vue scientifique, cette hypothèse situe la nouvelle vision de l'écologie comme étant une vision globale de la biosphère et de la biodiversité. A contrario de l'hypothèse Gaïa, s'est développée au tout début du XXe siècle, l'hypothèse Médée, qui soutient que la biosphère est habitée de pulsions suicidaires. Tiens donc. Si je puis dire. Pour preuve, les extinctions massives périodiques qui ont marqué donc l'histoire de la planète et qui ramènent à un état biologique microbien, c'est-à-dire primaire en quelque sorte, tout comme au début de l'histoire de la Terre. D'accord. Je suppose qu'il s'inspire aujourd'hui des suicides des baleines, par exemple, des choses comme ça, non ? Oui. Enfin, là, c'est même plus, j'irais que c'est bon, ce qu'on a constaté au travers de la paléontologie, les extinctions massives de la fin de l'ère primaire au Permien, à la fin de l'ère secondaire, la disparition des dinosaures, due à des phénomènes physiques, climatiques, chute d'astéroïdes méga-éruptions volcaniques. Voilà. D'accord. Non, moi je pensais simplement comme un phénomène avant-coureur, quoi, avec les baleines. Et puis tu as noté, c'était pas mal non plus, René, quelques dates très récentes sur l'écologie préoccupation mondiale. Voilà, ben justement, donc récemment, enfin ces dernières décennies, on va dire, l'écologie a quand même devenu une préoccupation au niveau mondial et institutionnel. Déjà, dès la fin des années 60, c'est le Club de Rome qui demande la réalisation d'un rapport. Ce sera le rapport Meadow. Ouais, j'en dirai un mot tout à l'heure. D'accord. En 1970, c'est le premier jour de la Terre qui est instauré le 22 avril. En 1971, le programme de recherche de l'UNESCO, Man and Biosphere, qui est mis en place pour accroître les connaissances sur les relations homme-nature. En 1970, c'est la première conférence internationale des Nations Unies sur l'environnement humain à Stockholm. Ensuite, les années 70 et 80 verront le développement et la popularisation des concepts de biosphère, de réserve de biosphère, de biodiversité et du penser globalement, agir localement. En 1992, au sommet de Rio, le concept de biosphère et les risques associés à la biodiversité sont officiellement reconnus par la communauté internationale. En 1997, c'est le protocole de Kyoto, qu'on peut aussi appeler COP3. COP, pour rappel, c'est la conférence des parties, dont la COP, par exemple la COP21, qui a eu lieu donc à Paris en 2015. Alors, à Kyoto, on met en évidence les dangers des gaz à effet de serre et leur rôle dans le réchauffement climatique. La plupart des États reconnaissent l'importance de considérer l'écologie d'un point de vue global à une échelle mondiale. Bien. C'est terminé, René, pour cette première partie. Mot sur l'économie intégrale aussi, sur l'écologie intégrale. Oui, juste un petit mot. Évidemment, récemment, tout récemment, donc à la fin des années 90 aussi, s'est élaboré le concept d'écologie intégrale qui a été introduit en France en 2007 et qui est présent essentiellement dans les milieux chrétiens conservateurs. Justement, on va aborder, je crois, la question de l'écologie, les aspects politiques, philosophiques de l'écologie. Et religieux. Et on va pouvoir y revenir. Voilà, on va faire une pause musicale, s'il vous plaît, monsieur Florent. Il paraît qu'ils ont tort, ceux qui n'ont pas le goût à pendre, ceux qui n'ont pas d'ennemis à clouer, à brûler. Ceux qui aiment mieux les hommes vivants plutôt que morts, il paraît qu'ils ont tort. Comme c'est curieux, moi je préfère ton tout petit jardin que borde ta rivière. Comme c'est curieux, moi je préfère mon tout petit bateau avec ta main dans l'eau. Il paraît que c'est lâche de n'avoir pas la vocation d'être bourreau, maître pendeur, tueur de profession, d'être écœuré par ses belles tâches. Il paraît que c'est lâche l'horreur d'être vampire. Comme c'est curieux, moi je préfère l'odeur de tes cheveux sortant de la rivière. Comme c'est curieux, moi je préfère l'odeur de ton jardin flottant au gré de l'eau. Que ses vœux de se refuser à mourir comme un insecte au champ d'honneur, la main crispée au cœur, drapé dans les plis du drapeau, criblé de mille éclats, tout comme au cinéma. c'est curieux, moi je préfère faire ma petite croisière fleurie sur ta rivière. Comme c'est curieux, moi je préfère l'amour sous les arceaux de ton petit jardin clos. Comme c'est curieux, moi je préfère l'amour sous les arceaux de ton petit jardin clos. Alors, donc... Aïe, c'est fou. C'était un hommage à Jeanne Moreau, disparue récemment, avec la chanson « Ce que je préfère », me semble-t-il, c'est ça, hein, René ? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Bien, eh bien, on va poursuivre notre investigation sur l'histoire de l'écologie avec, en évoquant les aspects politiques, philosophiques et, comme on l'a précisé, ensuite religieux. René, c'est encore une fois à toi, c'est incroyable. Eh bien, oui. Eh bien, bon, pour résumer un peu, l'écologie politique est un ensemble de courants largement diffusés depuis les années 70 qui insiste sur la prise en compte des enjeux écologiques dans l'action politique et dans l'organisation sociale. Elle se nourrit de l'influence de divers courants de pensée. Alors, oui, tiers-mondisme, féminisme, pacifisme, non-violence, libertarianisme, autogestion, mais pas seulement. L'écologie devient politique lorsqu'elle appelle à une profonde transformation du modèle économique et social actuel, ainsi qu'à une remise à plat des relations entre l'homme et son environnement. Alors que l'écologie s'était donnée pour objectif d'étudier les rapports entre un organisme et le milieu naturel, l'écologie, disons, scientifique, l'écologie politique fait en quelque sorte suite à une prise de conscience des limites de l'anthropocentrisme humain. Elle pose aussi les questions essentielles à l'anthropologie pour le rôle écologique de l'espèce. Alors pour ce qui est des origines, eh bien, c'est peut-être un peu surprenant, mais il y a le christianisme, notamment avec le concept de simplicité volontaire, qui était porté par divers courants chrétiens, dissidents ou non d'ailleurs, par exemple les franciscains, et qui est vraisemblablement à l'origine d'un début de prise de conscience politique de l'écologie. Oui, là aussi, encore écologie est un mot un peu fort par rapport à leurs soucis. Donc, effectivement, tu as raison de souligner la question qui est prise donc de la nature par les chrétiens, hein, les catholiques en particulier. Donc, Dieu et la nature, oui, quoi. Enfin, la nature, création de Dieu, donc. C'est ça. Et donc, qui sont aussi intéressants dans la mesure où tu as parlé des franciscains, mais il faudrait parler aussi des bénédictins. Je ne passerai pas non plus sur un des tout premiers ordres qui s'appelait les cénobites. Les cénobites, c'est le 3e siècle, hein, qui ont fait vœu d'austérité, qui vivent pauvrement. C'est pas l'Antiquité même Alors, c'est le 3e siècle. Ah bon, d'accord. Je mets référence. Voilà. Non, je confondais avec. Non, voilà. C'est des gens qui voulaient vivre tranquillement, et d'ailleurs, sur la porte de leur monastère, ils avaient laissé une pancarte sur laquelle il était marqué les cénobites tranquilles. Oui. Voilà. Et ça, et donc, on est bien là, je veux dire, dans l'optique de simplicité volontaire. En fait. Voilà, si tu veux, c'est ce que tu dis. Et donc, chez les moines, donc, ça correspond aussi de vœux de pauvreté. Oui. Hein, je laisse tomber, mais la chasteté, qui n'est pas non plus compris comme le mariage étant un danger, c'est pas la question, c'est-à-dire de la fraternité qui est plus importante que la chasteté. Et puis l'adhésion à Dieu, bien sûr, c'est les trois vœux que formulent les moines et le clergé en général. Il faut ajouter le 4e chez les jésuites, puisque, l'obéissance à Dieu, et chez les jésuites complètement jésuites, c'est-à-dire pas tous, 2% des jésuites sont seulement jésuites reconnus, c'est l'obéissance au Saint-Père, au Pape. Je ne peux pas laisser non plus l'histoire du christianisme dont tu parles sans parler de Descartes et de Spinoza. Descartes, dans la tradition chrétienne, pense que l'homme est le centre du monde, est le maître de la nature. L'anthropocentrisme dont tu parlais il y a une seconde. Et Spinoza pense exactement le contraire, quelques années plus tard. Je pensais justement à cette idée de Spinoza. Je pensais au bouquin de Bernard Pouilly, Spinoza en cul et gueule, qui est un polar, pas mal d'ailleurs, mais là, ici, c'est plutôt Descartes, dans la mesure où il critique très vertement Descartes sur une histoire de glande pinéale, enfin, l'intérieur du cerveau, gère l'âme et le corps, enfin, un truc assez invraisemblable. Mais pour Spinoza, pour faire simple, pour revenir là-dessus simplement, Spinoza donc considère que l'homme fait partie de la nature, c'est un élément de la nature, comme la nature est Dieu chez Spinoza. C'est la nature, si je le dis en latin, ça fait con, mais Spinoza dit Deus sive natura, c'est-à-dire que Dieu, ou autrement dit, la nature. Voilà. Oui. Donc ce qui fait qu'on a critiqué, qu'on a pensé que Spinoza était un athée, ce que je suis pas loin de penser perso. Voilà. Tu as également parlé d'anthropologie à une seconde, là, René. Et donc, l'anthropologie, effectivement, c'est une réflexion qui est menée en ce moment par un anthropologue. Plutôt anthropocentrisme. Tu n'as pas parlé d'anthropologie. Anthropologie, il me semble bien, quand même. Je reviendrai sur anthropocentrisme. On reviendra après sur d'autres questions, mais... Donc, sur l'anthropologie, donc Philippe de Scola, qui est un anthropologue de la nature, ce qui est un bel oxymore entre parenthèses, se pose la question des relations entre humains et non-humains dans les différentes sociétés dites non-modernes. Voilà. Ou exact, quelle est la place de l'homme dans la biosphère et dans, comment je veux dire, au sein de l'écosystème global, peut-être. C'est ça. Il y a différentes ontologies dans lesquelles l'homme a une place équivalente à celle des autres êtres animés. Voilà. Et effectivement, tu as parlé d'anthropocentrisme. Alors effectivement, là, c'est quelque chose qui est important, qu'on retrouve dans le livre de Dominique Méda, Mystique de la croissance, où effectivement, elle réfléchit, Dominique Méda, sur le déplacement, si on peut dire comme ça, de l'anthropocentrisme, donc l'homme au centre de l'humanité, au biocentrisme, la réflexion sur la biologie, la biosphère et la biodiversité, bien entendu. Voilà, c'était simplement quelques mots que je voulais ajouter là-dessus. Donc, dans le christianisme, tu avais parlé d'autre chose, René ? Oui, alors bien là, c'est à la révolution industrielle, donc avec son corollaire déjà de dégradation progressive de l'environnement, qui vont faire émerger les idées de l'écologie politique dans la seconde moitié du 19e siècle. Et ces premières manifestations se retrouvent dans les mouvements chrétiens antimodernistes, bien sûr qui voyant dans la nature, comme j'ai dit, l'œuvre de Dieu, ils dénoncent, comme d'autres courants politiques, politiques ou philosophiques, ils dénoncent la course capitaliste et matérialiste qui détruit cette œuvre. Alors, et parmi eux, on peut citer le poète britannique John Ruskin, qui est d'ailleurs un précurseur du socialisme en Grande-Bretagne, et aussi l'écrivain britannique Thomas Carlyle. Toutefois, les idées des chrétiens antimodernistes ne sont pas exemptes d'ambiguïté. Ils sont partisans d'un certain autoritarisme et d'un retour à des formes d'organisation sociale paternaliste, voire médiévale. Oui. Alors, on va revenir un peu maintenant sur cette ambiguïté de l'histoire de l'écologie politique, si tu veux bien, à partir d'un ouvrage que nous avait recommandé notre camarade absent Ludovic, un livre de Serge Audier, « La société écologique et ses ennemis », pour une histoire alternative de l'émancipation qui est parue cette année aux éditions Découverte. C'est un énorme bouquin que j'ai pas encore eu entre les mains pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Et je reparle, comme on avait dit tout au début, de Ernst Haeckel, oui. donc allemand, qui est, on l'avait dit en entrée, l'inventeur de ce néologisme écologie, et qui n'était pas uniquement un scientifique, c'était aussi un activisme. Mmh. Qui est à la tête de la Ligue moniste. Alors, Ligue moniste, c'est une conception du monde qui est autour de... Je ne sais plus comment dire, moi. Bon, je le laisse tomber. Je pense que c'est issu aussi des mouvements de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice allemande, donc au 19e siècle, avec des mouvements comme les Volkisch, le Lebensreform, et même les premiers alternatifs allemands à la fin du 19e siècle. Mais il est vrai que Ernst Haeckel était aussi membre de l'Aldeutscher Verband, une association pan-germaniste. Oui. Donc, voilà. Alors, cette écologie que notre auteur, appelle l'écologie réactionnaire, en fait, c'est une écologie qui, dans son développement, avec les éléments que tu viens de dire, René, qu'elle va développer une vision raciste et naturaliste de l'écologie, et qui influencera le nazisme, tout simplement. Oui, oui. Et donc, il est indéniable que dans les racines, dans les origines du mouvement écologiste, on a cherché... on pourrait dire qu'il est issu du romantisme, d'ailleurs, et de certains courants de la révolution conservatrice allemande, cette révolution qui est un courant de pensée avec les différents groupes dont tu viens de parler. Mouvement aussi qui est anti-urbanisation, qui est qui est contre l'industrialisation, au risque d'ailleurs d'une décadence de la société, décadence spirituelle de celle-ci, et il s'oppose à l'urbanisation et à l'industrialisation de l'Allemagne au nom du risque de décadence spirituelle, je confonds les mots ici, et en retour, il prenait un retour à la vie paysanne et à la pratique du naturisme. Alors, indépendamment de la pratique du naturisme et du végétarisme, il faut savoir que le péténisme n'est pas loin avec le retour à la terre dans la révolution nationale du maréchal Pétain. Donc, qu'est-ce qui les unit, ces différents mouvements que René vient de citer? Un antisémitisme, presque unanime. Alors, je vois pas trop le rapport, mais avec avec l'eugénisme et le racisme, oui, d'accord. Puis il y a aussi le fait que, en fait, c'était une culture extérieure à l'Europe. Je crois qu'il y avait ça aussi. Il y avait justement dans ce côté science de l'habitat, il y a aussi une forme de recherche identitaire, peut-être. Oui, effectivement, c'est peut-être ça, effectivement. Un projet de révolution élitaire renversant la République de Weimar. Hein, la République de Weimar, c'est historiquement la démocratie la plus aboutie en Allemagne de son histoire. Il faudrait que Mme Merkel y réfléchisse. Et la mise en place d'une politique révisionniste de restauration des politiques impériales. Ceci développait en outre une conception ethniste et enracinée de l'écologie. Ça, donc, d'ailleurs... bien sûr, tout ça correspond à un nationalisme biologiste, on va dire comme ça, et je n'hésite pas à citer Hitler qui disait « Le nazisme, c'est de la biologie appliquée ». Oh oui. Oui, René, tu voulais dire. J'ai que c'est un petit peu à rapprocher avec les mouvements chrétiens antimodernistes de Grande-Bretagne. Ce côté retour à un certain autoritarisme, voire à une société, on va dire, au profil médiéval, paternaliste. Oui. Et sur ces différents courants, il y a le livre de Luc Ferry, dont j'ai oublié le titre, mais ça m'en viendra, et le Nouvel Ordre écologique, qui est très inspiré de cette idée selon laquelle Puisque des mouvements en France, le mouvement écologique en France, est inspiré par ce conservatisme, on va nous mettre sur le dos, il met sur le dos des écologistes français, vision aride, austère des écologistes, et il conclut qu'on va avec les écologistes français sur une société close, et il lit ça, c'est un totalitarisme. Oui. Cela dit, je me souviens quand même que certains dans les milieux de gauche non écologistes, lorsque Marie-Christine Blandin est arrivée à la tête de la région, on parlait des ayatollahs. Hein. On parlait des Khmer Verts aussi. Des Khmer Verts, en effet, oui. Et à côté de ça, le pendant de l'écologie réactionnaire, ce serait l'écologie émancipatrice. Oui. Donc, l'écologie émancipatrice, c'est effectivement tout le pôle libertaire que tu connais mieux que moi, René, manifestement. Oui, enfin, je suis passé. Enfin, je me suis un peu renseigné, quoi. Eh bien, dans le pôle libertaire, on peut parler donc des anarchistes, en fait. C'est bien le mouvement anarchiste, tout au moins une partie de celui-ci, qui sera le principal porteur d'une vision politique et économique de l'écologie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il associe retour à la nature et naturisme, végétarisme et non-violence, notamment sous l'influence en Europe de Léon Tolstoï, d'Élisée Reclus, dont je vais 1830-1905, dont je vais vous parler. Alors, Élisée Reclus était communard, militant et théoricien anarchiste, bien sûr, et membre de la Première Internationale. Il a participé avec Kropotkin au journal Le Révolté, si je me rappelle bien. Bon, c'était un géographe et écrivain prolifique. Suffisamment connu pour avoir son avenue sur le campus scientifique sur lequel nous sommes. Oui, d'autant plus qu'il a... Enfin, l'Université libre de Bruxelles lui avait proposé une chaire qu'il n'a pas pu occuper suite aux attentats anarchistes de Paris. On lui a dit non, c'est plus possible. Voilà. Et il a écrit d'ailleurs, en tant que géographe, ses principaux ouvrages sont La Terre, la géographie universelle et L'homme et la Terre. Il a mené très tôt des combats contre les industries polluantes et la dégradation de la nature, tout en dénonçant le mythe de la nature infinie véhiculé par les catholiques. Aux États-Unis, on peut citer Henri David Thoreau, dont l'œuvre majeure est Walden ou la vie dans les bois, qui est une réflexion sur l'économie, la nature et la simple vie menée à l'écart de la société, écrite lors d'une retraite dans une cabane qu'il s'était construite au bord d'un lac. Oui, alors pour le mouvement anarchiste, inutile de dire que le mouvement communiste historique, c'est pas cette tasse de thé, ce mouvement-là, non, dans la nature. Pas vraiment. Scientiste, avec toutes les excuses qu'on peut donner à un mouvement qui est né donc au XIXe siècle, cette écologie d'origine libertaire n'attire pas beaucoup la sympathie donc de la gauche en particulier et même de la droite d'une certaine façon. Mais la gauche communiste en particulier en France, toujours défendeuse de la science comme supposée libérer l'homme, oui. Du productivisme et du techticisme. C'est un peu un affrontement nature-culture. Oui, tout à fait, bien sûr. Ce mouvement-là, le mouvement communiste au moins pour la France, n'est pas très très vaillant actuellement. Et effectivement, la gauche, on peut y revenir là-dessus pour terminer, quoi. La gauche a appris quand même à son compte l'écologie. Et l'écologie, à part l'homme qui est au perchoir là aujourd'hui à l'Assemblée nationale, a quasiment disparu. Non, il reste quelques sénateurs, je crois, écologistes. Oui, je crois, hein, il me semble. Donc voilà, c'est quand même pas trop brillant. Mais l'écologie, il semblerait, je crois que tu me rappelais lorsqu'on s'était vu pour préparer l'émission, c'est Jean-Yves Cousteau qui disait « L'écologie devrait être simplement un groupe de pression et ne pas faire de politique ». Oui, c'est aussi une façon de voir maintenant. Voilà. on peut s'arrêter là. Oui, les écologistes ne seraient pas d'accord. On fera une deuxième pause, là, Florence, s'il te plaît. Jusqu'à étouffer ton sort, te détruisent pour du papier, souiller tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe, car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres, nous on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier, ressentent ta souffrance. Aujourd'hui sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence, et charmés par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect. Se sont appropriés ta chair depuis des millénaires. Pour t'avoir se font la guerre, Pachamama. Tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe. Le poing levé pour le combat, Pachamama. C'est nos racines qui sont en toi. Tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Ton vase rempli à rabord, ils t'ont condamné à mort et nous ont condamné à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire. Les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente tes brevets, chacune de tes espèces. Terre, mer, patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos airs. Exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs. Torturé et meurtri dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. Que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force reprenne ses droits. Qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Et donc c'était Kenny Arcana, Terre mère n'est pas à vendre. Et en effet. Justement, j'ai posé la question, tiens, Florent. Donc, on termine sur quelques mots d'écologie, d'économie écologique. Et dans la suite de ce qui a été dit assez longuement maintenant, il semble que la majorité des économistes écologiques, encore qu'il faut encore les définir, ont tendance à suivre les conclusions du premier rapport du Club de Rome. Il existe des limites à la croissance économique. Voilà à peu près ce que dit le rapport du Club de Rome. Et beaucoup ont en ce sens préconisé la réalisation d'un État stationnaire, par exemple. Hein. On se souvient donc dans nos deux dernières émissions, en tout cas la dernière, sur l'État stationnaire, Tim Jackson a écrit « La prospérité sans croissance ». Et je vous invite à réécouter sur Angle Datacothèque l'émission que nous avons fait avec ce titre-là, avec Jean Gadret, au mois de juin, le 17 juin, si mes souvenirs sont exacts. Et ils le sont. Florence Janicatrice, on en avait parlé. Florence Janicatrice, effectivement, en avait parlé également. Donc on a pensé à ça. Et une économie donc à population constante, c'est ça que ça veut dire, avec un stock de capital constant maintenu par une faible utilisation d'énergie, tenant compte de la capacité régénérative et assimilative des écosystèmes. Voilà, voilà à peu près ce que nous dit le Club de Rome. Alors, les auteurs d'un petit bouquin intéressant, que je cite maintenant, l'économie écologique, décidément j'ai difficulté avec les deux mots, l'économie écologique, c'est paru aux éditions de la Découverte, ça fait une centaine de pages, et c'est quand même bien intéressant, très renseigné, très informé, pas toujours, j'ai trouvé, facile à lire. C'est de Alain Douai et de Kael Plumcock. Voilà, nos auteurs distinguent trois sous-courants chez les économistes écologiques. La nouvelle économie des ressources naturelles, dont les tenants voient l'économie écologique essentiellement comme un espace de revivification de l'approche économique standard, ce que j'appelle l'économie standard, c'est l'économie libérale, tout simplement, hein, c'est-à-dire l'économie, en fait, dominante, hein, l'économie néoclassique dominante. Et les nouveaux pragmatiques environnementaux, qui considèrent que l'économie dominante constitue une sous-partie de l'écologie, de l'économie écologique. Voilà. Donc, pour ces deux courants, il s'agit, et je vais prendre un exemple assez long que j'ai emprunté à un bouquin de Jean Gadret et d'Aurore Laluc, un exemple assez parlant. Pour ces deux courants, donc, il s'agit de mesurer la valeur monétaire des éléments naturels et d'évaluer le capital naturel. Le premier, la nouvelle économie des ressources naturelles, considère que l'économie écologique permet de renouveler en profondeur l'économie de l'environnement et des ressources naturelles en traitant la complexité des relations entre économie et écologie. Donc on fait, c'est déjà un gros effort de l'économie standard d'introduire des éléments écologiques. Bon, on ne sait pas avec quelle réussite. Les pragmatiques, et on l'a tous en mémoire, ont donné une valeur aux services écosystémiques fournis par la planète. Et ces estimations sont assez fantaisistes, puisqu'ils estiment que les services fournis par la planète, les services non marchands d'ailleurs, hein, soyons clairs, fournis par la planète, seraient estimés entre 16 000 milliards de dollars et 56 000 milliards de dollars. Donc la fourchette étant tellement énorme, on se demande quel est le sérieux. Oui. Mais quand même, il faut se demander pourquoi la monétarisation peut s'avérer efficace pour protéger la nature. Tu te demandes la question, René. Eh bien, tu as raison, je vais te répondre. La dégradation de l'environnement s'explique par l'absence de propriété privée et de prix. Deux conditions essentielles à l'existence d'un marché. Et c'est une externalité, c'est-à-dire... Alors justement, on y vient, il n'y a pas moyen de te coller, il n'y a rien à faire. Cette absence de prix et de marché rend impossible la solution proposée par l'économie libérale pour protéger l'environnement sous le nom d'internalisation des externalités. C'est-à-dire que les externalités sont quelque chose, sont des éléments, sont des relations, des événements, des phénomènes qui sont en dehors du marché. Et donc, pour bien comprendre comment on monétarise ça, il faut les internaliser dans l'économie de marché. Alors, Jean Gadret donne deux exemples, avec sa collègue Aurore Laluc, donne deux exemples. Une externalité, on va le dire comme ça, est un effet atypique, donc je l'ai dit, situé hors marché. Ces externalités peuvent avoir deux formes. Une forme négative et une forme positive. Commençons par l'externalité négative. On imagine une usine de production de pâte à papier et de cellulose qui déverse des produits chimiques dans une rivière. Cette pollution engendre une externalité négative pour une entreprise qui cultive le cresson dans l'eau et pour laquelle il faut, comme chacun sait, une eau pure. Voilà un exemple d'externalité négative. En revanche, une externalité positive serait l'exemple classique de l'apiculteur dont les abeilles vont pollétiser alentour, près d'un champ, etc. Donc voilà, ça c'est une externalité positive. Dans les deux cas, on observe une modification de l'utilité, le fondement de l'économie libérale, ou de bien-être d'un agent économique sans qu'il ait eu la moindre transaction de marché. Mm-hmm. Bien d'accord là-dessus. Et donc, et c'est bien là le problème pour les économistes libéraux. Donc, il va falloir trouver un moyen pour faire en sorte que ces deux externalités entrent dans le marché. Et comment fait-on ? Eh bien, on va les intégrer soit par l'instauration d'une taxe, c'est le plus classique, soit par l'instauration d'un droit à polluer. Ça vous rappelle des choses, oui, en ce moment. Oui. Hein, il s'agit donc de décider d'un prix, qui est le montant de la taxe, ou de créer les conditions d'émergence d'un prix au travers d'un système d'échange ou de mise aux enchères de ce droit à polluer. Dans le cas de l'usine de pâte à papier qui pollue donc le producteur de cresson, on peut imaginer que la rivière ne soit pas un bien public, mais un bien privé. Ainsi, la rivière pourrait être parfaitement protégée si son propriétaire allait demander un dédommagement financier au pollueur d'un montant suffisant qui n'inciterait plus à polluer. Ça va ? Dans tous les cas, il faut passer par la monétarisation de la nature. Au passage, puisqu'on a chiffré à peu près tout, les insectes pollinisateurs rendraient au service agricole environ 153 milliards de dollars par an dans le monde. Le problème qui est soulevé là-dedans, c'est que de dire aussi que si la nature n'a pas de prix, la protéger en a un. Et ça, c'est les questions que nous pose Dominique Méda. On a également parlé aussi d'empreintes écologiques. On se rappelle que chaque année, l'ONG Global Footprint Network détermine le jour à partir duquel l'humanité vit au-dessus de son budget écologique. Ce jour du dépassement, en français et en anglais, Earth Overshoot Day, symbolise le moment où l'humanité a épuisé les capacités régénératrices de la Terre, du stockage de CO2 notamment, de l'absorption des pollutions et des à la production des matières premières pour la nourriture. Voilà. Donc tout ça pour l'instant, le jour en question, c'est le 3 août. Non, le 3 août, c'était l'année passée. Et j'avais une mauvaise information l'année passée, mais qui me faisait rigoler parce que c'était le 8 août. Et le 8 août, c'est l'anniversaire de Madame Aubry. Bon, on en avait parlé à l'émission du mois d'août l'année passée. Donc cette année, c'est le 2 août. Ben, c'est un peu mieux que d'habitude. Il y a moins de gap entre les jours. Ça se rapproche. Généralement, on passe de septembre à octobre, du 20 septembre au mois d'août, etc. Mais là, il y a un resserrement. Parce que plus la date vient tôt dans l'année, plus ça veut dire qu'on a tout épuisé. Et donc, rapidement. Voilà. Oui. Donc, comment les économistes écologiques se démarquent de l'économie mainstream ou standard ? Bon, ben, je crois qu'on va devoir terminer là-dessus. L'économie écologique, donc, est plus que sceptique sur la capacité de la croissance économique à assurer la soutenabilité environnementale. L'économie écologique conçoit le bien-être, la qualité de la vie ou le progrès social comme déconnecté de la croissance économique. Et l'économie écologique accorde une grande importance à une conception pluraliste des valeurs environnementales et leur prise en compte effective dans la décision publique. Et ce qui est central dans l'économie écologique, c'est que, et on le revoit très très bien, de façon très nette chez Dominique Méda, c'est le retour à la puissance publique et l'intervention publique dans le domaine de l'environnement. Elle postule enfin la non-substituabilité entre capital naturel et capital manufacturé. C'est un grand thème que développait le scientifique et ex-ministre Henri Allègre quelques années, ouais. En disant que de toute façon, tout ce qui est problématique pollution va être résolu par des questions d'ordre scientifique et industriel. Pardon ? Scientifique et technologique. Et technologique. Troisième et dernière école, courant écologique, ce sont les socio-économistes écologiques, pour qui l'économie écologique doit servir de plateforme et d'échange entre les diverses hétérodoxies économiques. Alors ça veut dire quoi ? Ça signifie que la seule mesure monétaire ne dépourvue de sens, c'est qu'il faut repenser l'économie par le biais d'une approche transdisciplinaire ou interdisciplinaire. Ce courant de la socio-économie écologique centre leur démarche donc sur la gouvernance délibérative, c'est-à-dire des instances nouvelles dans lesquelles se rencontrent des profanes, c'est-à-dire les citoyens comme les autres, avec les scientifiques. C'est une nouvelle conception de la science, appelée de ses voeux également par Dominique Méda dans son livre « Mystique de la croissance ». Donc, des approches institutionnistes, s'appuyant aussi sur la force publique, semblent nécessaires pour compléter les modélisations macroéconomiques et qui permettent de mieux appréhender les enjeux écologiques auxquels les sociétés doivent faire face. Dans une économie qui n'a plus désormais pour objectif de garantir un accroissement infini du bien-être, je termine, Florent, je vois que tu es inquiet, du bien-être des populations, mais d'assurer un niveau suffisant de bien-être, de préserver leur environnement naturel, dans ce contexte de croissance limitée,